Ce sera le printemps quand je me marierai. Mais en guise d'église, je veux la forêt, des arbres de Judée chanteront le credo juste à l'instant où l'on me passera l'anneau. Ce sera le printemps quand on se mariera. Je vous inviterai à danser avec moi. Des oiseaux par milliers me salueront là-haut. Nous passerons la nuit au milieu des bouleaux. Peut-être bien que Dieu viendra. S'il n'a rien de mieux à faire ce jour-là, il chantera, il nous enverra le soleil et son plus bel arc-en-ciel. Ce sera le printemps quand j'aurai mon enfant. Je veux qu'on le baptise dans l'eau d'un torrent, qu'on jette des trajets aux bêtes du chemin et qu'un simple berger lui serve de. Ce sera le printemps lorsque ma fin viendra et je veux qu'on m'enterre au plus profond des bois. Les saules pleureront, sachant